Voici comment Valérie donna la nouvelle de ce fait, entièrement personnel. Elle déjeunait avec Lisbeth et M. Marneffe. « Dis donc, Marneffe, te doutes-tu d'être père pour la seconde fois ? Vraiment, tu serais grosse ? Oh, laisse-moi t'embrasser !» Il se leva, fit le tour de la table, et sa femme lui tendit le front de manière que le baiser glissa sur les cheveux. « De ce coup-là, reprit-il, je suis chef de bureau et officier de la Légion d'honneur. Ah ça, ma petite, je ne veux pas que Stanislas soit ruiné, pauvre petit !»« Pauvre petit ? » s'écria Lisbeth. « Il y a 7 mois que vous ne l'avez vu. Je passe à la pension pour être sa mère, car je suis la seule de la maison qui s'occupe de lui. » « Un enfant qui nous coûte 100 écus tous les 3 mois, » dit Valérie. « D'ailleurs, c'est ton enfant, celui-là, Marneffe. Tu devrais bien payer sa pension sur tes appointements. Le nouveau, loin de produire des mémoires de marchand de soupe, nous sauvera de la misère. » « Valérie, » répondit Marneffe en imitant Crevel en position. « J'espère que monsieur le baron Hulot aura soin de son fils et qu'il n'en chargera pas un pauvre employé. Je compte me montrer très exigeante avec lui. Aussi, prenez vos sûretés, madame. Tâchez d'avoir de lui des lettres où il vous parle de son bonheur, car il se fait un peu trop tirer l'oreille pour ma nomination. » Et Marneffe partit pour le ministère, où la précieuse amitié de son directeur lui permettait d'aller à son bureau vers 11 heures. Il y faisait d'ailleurs peu de besogne, vu son incapacité notoire et son aversion pour le travail.